Mosaïque. Bonjour à tous et merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission sur Isanganiro. Le 5 février de l'année, le Burundi célèbre la journée dédiée à la Charte de l'Unité Nationale, laquelle charte a été signée il y a 31 ans, le 5 février 1991. C'était près de 3 ans après les événements sanglants de Ntegamarangara au nord du Burundi en 1988. Eh bien oui, la charte a beau avoir été signée, le Burundi s'est vu de nouveau tomber dans une nouvelle crise en 1993. Nous nous réservons des détails, ce ne sont peut-être que des exemples. Aujourd'hui, à travers le débat mosaïque, nous allons parler de cohésion nationale entre Burundais, dirigeants et dirigés. Cohésion nationale, quel est l'état des lieux? Quels seraient les défis hier et aujourd'hui? Et quelles devraient être les perspectives pour aboutir à une cohésion effective entre Burundais? Sur le plateau, nous sommes avec 3 invités. Faustin Ndikumana, vous êtes le directeur national de l'organisation PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités. Bonjour, Monsieur Faustin, et bienvenue à cette émission Mosaïque. Bonjour, merci de nous avoir invités. Rémi Havzarimana, vous êtes le président et représentant légal de la Maison Lueur d'Espoir. Bonjour et bienvenue, Monsieur Rémi. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et puis nous sommes avec vous, Jean Bosco Harerimana, enseignant d'université, expert en matière de justice et transitionnelle. Bonjour et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup de cette invitation. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana, Dorine Ouimana et Jérôme Naïchimier. Réalisation de Léonidas Kirombo. À la présentation, vous retrouvez Léonce Vitalio. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La toute première question, je vais l'adresser à vous. Faustin Ndikumana, directeur national de l'organisation PARSEM. Qu'est-ce que vous entendez par cohésion nationale? Bon, la cohésion. Et il faut nationale, le préciser, entre Burundais. La cohésion nationale est peut-être la définition directe, beaucoup plus pointue, peut-être. Et je ne sais pas si je vais y parvenir, mais il y a la façon de concevoir la cohésion nationale, la façon de la concevoir. D'abord, pour moi, la cohésion nationale, d'abord, qui sont concernés par la cohésion nationale, ce sont les citoyens d'un pays, les citoyens burundais. La cohésion nationale, alors, c'est quand ces citoyens arrivent à un stade où on remarque un vrai vouloir vivre collectif entre les composantes de cette nation. Un sentiment de vouloir vivre collectif, un sentiment d'appartenir à une même nation, un sentiment d'être considéré de la même façon dans la nation, un sentiment d'égalité de chance, d'avoir les mêmes droits et les devoirs. Et quand on veut parler alors aux dirigeants aussi, la cohésion nationale, ils se basent aussi sur la considération de la volonté du citoyen. Parce que, étant dans une république... Il y a peut-être cohésion entre dirigeants, cohésion entre dirigeants, cohésion entre dirigeants et dirigés. Étant dans une république, je crois que les citoyens ne sont plus des sujets. Ce sont des citoyens qui ont des droits, qui ont des devoirs, qui peuvent manifester, etc. Donc, la cohésion nationale, c'est ce sentiment d'appartenir dans une même nation, partager les valeurs de la nation, avoir les mêmes perspectives... La qualité de chance, et un droit et devoir, et ce renforcement alors du vouloir collectif, c'est la fraternisation, c'est le partage vraiment dans mes patrimoines qui passaient, et même le partage de perspectives d'avenir et de survie de la nation. Et je vais partir de là pour vous poser une petite question, précisément, comment se porte la cohésion entre les Burundais? Pour le cas d'espèce, aujourd'hui, c'est comment? Comment est-ce que vous concevez cette cohésion aujourd'hui au Burundi? La cohésion nationale a été mise à rude épreuve au Burundi dans le passé. Actuellement, on voit un impact, justement, du déficit de cohésion nationale. Parce que la cohésion nationale est l'un des piliers pour qu'un pays soit stable, soit prospère, s'assure finalement un décollage économique. Mais aujourd'hui, on est en train de constater qu'au Burundi, ce déficit de cohésion nationale, depuis le passé, même aujourd'hui, a un impact négatif au niveau du rassemblement de toutes les forces vives de la nation, de la galvanisation des énergies des citoyens envers un même but, le relèvement communautaire, le développement, la vision. Donc, quand on est en train dans des situations partisanes, dans les analyses au niveau des ghettos et de la population, là, ça devient c'est encore un problème. J'imagine que peut-être on cherche comment renforcer cette cohésion, mais ce qui est sûr, c'est que même dans d'autres pays, les pays qui nous servent d'exemple, qui ont pu faire un décollage économique spectaculaire, on a parlé de Singapour, on a parlé de Maurice, ce sont des pays qui ont aussi d'abord asseoir la cohésion nationale. Quelles que soient les différentes ethniques, d'origine, ils ont su avoir un patrimoine commun, ils ont su avoir des valeurs communes à partager pour construire la nation. Parce que si vous visitez par exemple le Singapour ou autre, quoi. La population est diversifiée. Vous trouvez des Chinois, des Indiens, des Blancs, des Créoles, des Métis. Mais ensemble, ils parviennent à bâtir ce tissu pour partager les valeurs communes. On ne comprend pas ici au Burundi comment, des fois, on ne parvient pas à bâtir cette cohésion, alors que d'autres peuples multiculturels, multilinguistiques, quand ils cohabitent ensemble, ils construisent. Et Rémi, une cohésion visible. Pardon. Rémi Hafzalimana de la maison Lueur d'Espoir, je vais vous poser là où les mêmes questions. Cohésion nationale, sa définition selon vous et comment se porte cette cohésion? Je pose les mêmes questions. Donc en même temps, comment se porte cette cohésion au sein des Burundais aujourd'hui? La cohésion sociale, la cohésion sociale au Burundi. Je puiserai peut-être mon explication dans notre histoire, ou même de là est venu ce que nous fêtons chaque 5 février. Il faut nous convenir qu'à un certain moment, le Burundi traverse des périodes très difficiles, souvent même pas expliquées. Et à un certain moment, les uns commencent à exiger au moins que les questions soient sur table. Et en ce moment-là, la situation est beaucoup plus, j'allais dire, aggravé par les événements de 88, Ntega Marangara, qui vont faire là que plus le contexte mondial, nous nous souvenons ici de cette réunion, conférence qui se tient à Bâle en France, qui vient avec des injonctions à l'endroit des présidents africains, selon lesquels il faut la démocratie, le multipartisme et tout ça. Et nous voyons donc ici, depuis 91-12, quelque chose de mouvement qui va dans le sens de dire quels sont les problèmes, comment faut-il les affronter, et ainsi de suite. Et c'est dans ces colloques et différentes discussions où on va déceler des mots comme l'unité nationale, la cohésion nationale, et ainsi de suite, d'où la fête ou la commémoration que nous célébrons tous les 5 février. Voilà. Alors, pour moi donc, s'il faut partir de cela justement, la cohésion nationale entre Burundais signifierait cette reconnaissance commune du passé qui permet à ce que l'on lise de la même manière le présent pour en fait projeter ensemble l'avenir. L'avenir. Mais malheureusement, là j'embraye sur votre deuxième question, la situation est assez très mitigée. Elle est mitigée dans ce sens qu'effectivement, d'une part, c'est maintenant, ou je ne sais pas si c'est maintenant seulement, on est en train de tenter d'essayer de voir, de lire la même histoire de notre pays. C'est déjà problématique, donc vous comprenez la même histoire, quelle histoire? Exact. Oui, on sait qu'il y a quelques années, il y a eu tentative de mettre sur pied une commission de réécriture de l'histoire. C'était une façon officielle de reconnaître que l'histoire que nous avons n'était pas comprise de la même manière. Fallait-il que des experts provenant de la même communauté se mettent ensemble pour en fait dégager une histoire commune? Ce qui n'a pas encore eu lieu, à ma connaissance. Vous comprendrez donc que, de par ma définition, on ne lit pas encore notre histoire de la même manière. ce qui fait qu'il est difficile de comprendre notre présent de la même manière. Et enfin... Ne pas lire l'histoire du pays de la même manière, c'est une lacune, n'est-ce pas, Monsieur Rémy? Bien sûr, c'est une lacune parce que qui dit développement, qui va cette fois-ci renforcer la cohésion dont nous parlons, sous-entend que le minimum vital est là. Et ce minimum vital ne dépend que de la planification, de cette lecture de l'histoire, de la compréhension du présent, qui fait que l'on projette ce que l'on veut devenir par rapport à ce que l'on est aujourd'hui. Alors, si l'on ne parvient pas à nous entendre sur notre histoire, il est difficile de nous définir convenablement par rapport au présent, et la difficulté devient plus majeure lorsqu'il faut projeter notre avenir par rapport aux projections actuelles. Alors, la situation est donc très compliquée. Je vais dire, du moment que chaque catégorie lit son histoire de sa façon avec des lunettes propres, il est difficile maintenant de se convenir sur au moins les racines de la crise et par conséquent émettre des projections. Parce que cohésion ne sous-entend pas seulement nous rencontrer, chanter au Bumwe bw'Abarundi et finalement dire qu'on cohabite. Nous connaissons plusieurs nations ou habitants des nations qui cohabitent sans nécessairement se mettre ensemble et chanter, sans même se saluer, mais qui se respectent et qui ont une même histoire, qui projettent ensemble et qui savent qu'ils doivent cohabiter malgré la différence. Donc, mais en instaurant ou en signant la charte de l'unité nationale au 5 février 1991, n'est-ce pas que... à une innovation pour la cohabitation, la cohésion du peuple burundais. Innovation, oui, à cette époque et dans le temps, mais la question est qu'est-ce qu'on en a fait, ou tout simplement, qu'est-ce que les auteurs de cela avaient comme contenu de ce même document. Parce que vous savez, un document, il y a ce que vous appelez, vous autres, les littéraires, l'esprit et la lettre. Alors, ceux qui ont conçu le document, qu'est-ce qu'ils avaient en tête? Ont-ils pu transmettre cette notion dans la conception, finalement, nationale, afin que les Burundais comprennent réellement ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent et ce que chacun devrait faire? Parce que la cohésion nationale, c'est cet aboutissement où chacun devrait comprendre qu'il ne vit pas seulement pour lui seul, mais qu'il a ses droits et devoirs, mais qu'il a aussi ce qu'il doit à l'endroit des autres. Mais si vraiment cette fête ou cette notion d'unité nationale vient en quête de mes droits seulement, de me créer de l'espace sous le soleil, faisant fi des autres, là, la cohésion est loin d'être instaurée. Allez, Liman, Jean Bosco, votre point de vue. Cohésion nationale, la signification que vous pourriez donner. Et comment est-ce que vous percevez cette cohésion aujourd'hui? Bon, pour moi, la cohésion nationale, c'est l'absence de grandes fractures. De grandes fractures qui peuvent affecter la vie, la marche de toute une nation vers l'épanouissement de ses citoyens. Et justement, ces fractures peuvent être identitaires ou les catégories de population se fracturent et tentent à vivre à leur manière au dépens des autres, identitaires, géographiques. Dans l'histoire, on en a eu des tentatives de compréhension de la vie, de la vision nationale par rapport aux régions, aux provinces. Fracture sociale, l'inclusion de différentes catégories sociales dans la considération, dans l'élaboration des projets d'envergure nationale. Fracture économique, aujourd'hui c'est de plus en plus évident. Les inégalités qui grandissent, c'est une tendance, oui, qui se voit de plus en plus ici, mais aussi au niveau Afrique, au niveau international. Il y a de plus en plus une différence entre les catégories sociales, au niveau économique, c'est-à-dire l'écart entre les riches et les pauvres. Ce que l'ONG Oxfam a appelé, il y a de cela quelques 7 ans, je crois que c'était en 2014, ce que dans un rapport succinct, ils l'ont appelé working for a few, c'est-à-dire travailler pour une minorité. Où il montre que 99% de la population mondiale travaille pour le compte d'une infime minorité, 1% de la population mondiale, des super riches. Peut-être au niveau global, ça peut paraître... Une plus grande partie de la population travaille pour une fine minorité. Oui, donc, oui, oui. C'est cet écart dont vous parlez. La croissance des inégalités économiques. Mmh. Et justement, cela se traduit par le rejet de certains citoyens, de leur nationalité. Je ne sais pas si vous avez suivi avec attention le discours du ministre des Affaires étrangères quand il était devant le Parlement et il présentait, je crois, un projet de loi sur les papiers de voyage pour les diplomates et les officiers de l'État. Et un député lui a demandé, mais pourquoi seulement pour ceux-là? Pourquoi pas pour nous tous? Et il a répondu, imagine, honorable député, si on faisait ça pour tout le monde et qu'on permettait à tout le monde quitterait le Burundi. Oui, à tout le monde de voyager vers l'Europe sans visa. Tous nos jeunes partiraient. Il le sait déjà. Tous les jeunes partiraient. Donc, un bon nombre de Burundais aspirent à partir, vivre ailleurs. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre des Affaires étrangères. Et voilà donc, la cohésion nationale suppose une volonté de vivre ensemble, de rester dans son pays, de travailler pour son pays, ici ou ailleurs, mais avec un sentiment fort d'attachement à sa mère patrie. Voilà. Donc, ce sont finalement des défis. Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. Je ne sais pas si vous allez continuer avec les défis ou si je peux poser la question liée aux défis à vous, Faustin Ndikumana, pour faire justement le tour de table. Quels sont les défis liés à cette cohésion nationale des Burundais hier et aujourd'hui? En tout cas, s'il y a eu cohésion, elle a connu des perturbations à différents moments, à différentes années, à différentes périodes. Le Burundi a connu des perturbations. Permettez-moi, pour répondre à cette question, de faire un peu de lecture sur certains événements du passé. Peut-être pour certains jeunes, ils pourront beaucoup plus comprendre. Je ne suis pas historien, mais j'ai fait une analyse, j'ai fait de la lecture et sur les événements comment ils se sont succédés aujourd'hui. Je dois vous dire qu'on constate que depuis 1962 jusqu'en 1962, vous allez parler de la date de l'indépendance. Jusqu'en 2022, bientôt 60. Le Burundi n'a jamais connu au moins 10 ans de paix successives. Jamais. Ça veut dire que le Burundi ont été fatigués par des crises et non pas 10 ans de concentration sur le développement. Pas 10 ans. Et malheureusement, est-ce que ça vous pouvez le démontrer? Que ça soit. Au moment de la monarchie constitutionnelle de post-indépendance, que ce soit au moment des dictatures militaires, parti unique, que ce soit au niveau de la démocratie, on constate qu'il y a le même comportement. Finalement, il faut que les Burundais nous concentrent et chacun faire son introspection. Les Burundais se concentrent pendant combien de temps maximum? Je donne l'exemple. De 1962 à 1966, c'est 4 ans le lendemain. C'est la période de la monarchie constitutionnelle, la soi-disant monarchie constitutionnelle. Mais à l'époque, pendant 4 ans déjà, on connaît 8 gouvernements. La moyenne de longévité gouvernementale, ce n'est même pas 7 mois. Vous comprenez? Et le pays commence avec un procès débattaré qui soi-disant avait contribué dans la santé de Pense Lugwagasio. Déjà, il y avait une cassure au niveau de la famille royale. Déjà, c'est le début à l'indépendance. Les huit gouvernements, on assiste à un premier ministre assassiné en 1965. Il y a déjà l'attaque du Palais en 1967. Le Mohamed quitte le pays, fuit. Le premier ministre est assassiné, lui aussi fuit. Le Burundi même a connu une période où il n'avait pas de chef d'État ni de premier ministre. Jusqu'à la chute de Nari. Des massacres en 1965. Déjà dans 4 ans, vous voyez comment les Burundais ont été, je dirais, ont salué l'indépendance, la période de l'indépendance, de post-indépendance. Après, de 1966 à 1976, c'est la première république, Là, il y a les événements de 72. Non, 66 déjà. La République vient. Il y a certaines résistances au niveau de la population, à la nouvelle autorité républicaine, naturellement. Et le gouvernement d'alors, d'abord, passe le temps à un travail de sape contre sa disant monarchiste. Déjà, son torturé arrêté ici. Et les perquisitions, les provinces qui sont des monarchistes. En 69, un coup d'État est là, on exécute le commanditaire. En 71, affaire Ngumburanye. 72, c'est le drame, le plus terrible, le roi est assassiné. De 73 à 76, c'est la continuité parce que la situation devient dramatique. Voyez, dans 10 ans, encore une fois. Et en 1976, avec le régime de la Deuxième République, 5 ans, redressement économique, mais aussi, après, à travers de l'exclusion du régionalisme, on survécu. La cohésion n'a pas été éteinte. En 1987, avec la Troisième République, c'est Negamarangara qui est en 88. En 91, on signe la charte de l'unité. Mais la même année, en 91, une attaque terrible sur Bujumbura en 90, vous vous souvenez, novembre 91. Et Rwanda aussi. Et 93, c'est la catastrophe, la traversée du désert. Il y a l'assassinat du président, les massacres à travers tel pays, le phénomène des réfugiés, des déplacés. La convention du gouvernement est là, échoue, vous vous souvenez. Une fois dans l'histoire, le Burundi a connu un jour où il a été représenté au sommet de l'OIWA par des délégations, vous vous souvenez. Le président de la République était Sylvestre Ntibantunganya qui a pris l'avion pour participer au sommet de l'OIWA. Le lendemain, le premier ministre a pris l'avion. Et des délégations dans un même sommet, ils ne se saluaient pas. C'était qui son premier ministre? C'était Antoine Ndouaye. Ça a été... En 19, ça déjà... vous vous souvenez de cette histoire de ville morte, c'était quoi? Bouya, quand il revient, nous subissons un embargo terrible. La guerre civile continue. Vous vous souvenez des attaques de Kinama en 2001, en 2003, à Moussaga. En 2005, la Kramije, le parti au pouvoir est élu. Mais là aussi, on assiste à une crise. La Jabwe, quoi. Ça a paralysé les premières énergies du parti au pouvoir. En 2010, une partie des partis politiques quitte les élections. Vous vous souvenez le phénomène d'ADC et Kiwiri. Tension, tension. 2015, histoire du troisième mandat jusqu'à 2020. Vous voyez quand même que les Burundais, vraiment, ont eu beaucoup, ont été fatigués. Vous vous sentez fatigué, M. Faustin? En tout cas, c'est les 60 ans, faisons notre rétrospection. Je vous fais une petite lecture de l'histoire. Jusque même en 2020, même des réfugiés restaient en 2020 avec 2015. Même le parti au pouvoir a eu des de ce quand il est venu. Une petite question. Je veux dire que à partir de 2022, ces 60 ans qu'on va boucler, il faut quand même qu'on fasse une introduction. Une petite question avant de... Je conclue. Vous voyez que période monarchique, problème. Dictature militaire, parti, problème. Multipartisme, problème. Il faut quand même faire... Il faut réfléchir. Et alors, selon vous, oui. Pourquoi tous ces événements? Pourquoi toutes ces situations? C'est jusqu'à maintenant la cohésion nationale. C'est dû à quoi? Dont la cohésion nationale n'a pas encore eu vraiment des assises. L'exclusion, le rejet de l'autre, l'égoïsme, l'égocentrisme... continue à être des tares observables dans le comportement des Burundais, même sont érigés en mode de gouvernement par nos hommes politiques. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une réflexion sur cela. Peut-être on va voir comment édifier vraiment un pays pour la cohésion nationale pourrait être une réalité. Rémi Havzalimana de la maison Lueur d'Espoir, votre sentiment c'est comment? Pourquoi selon vous toutes ces situations qu'évoque Faustin Ndikumana, qui dit par ailleurs qu'il est fatigué. Il dit qu'il est fatigué. On est fatigué, vraiment. Il faut vraiment prendre conscience. Question à vous, Rémi Havzalimana. Ok, je vais répondre sous deux aspects. Le premier aspect, c'est que... souvent, peut-être à cause de la fatigue dont parle Faustin, nous avons ce sentiment de tout vouloir maintenant, à ne pas considérer d'où nous venons justement, parce que finalement, ce que nous étions hier crée des circonstances qui font que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, et ce que nous faisons aujourd'hui devrait préparer ce que nous serons demain. Ce qu'il vient de décrire est tout à fait vrai. C'est notre histoire. Cette histoire, malheureusement, la question serait de, celle de savoir est-ce que chaque, après chaque événement malheureux, les citoyens burundais se sont-ils assis pour analyser les causes profondes, ce qui ont fait que la situation soit ce qu'elle est, afin de projeter justement des solutions qui aillent dans le sens de faire venir des réponses à la question. Mais il y a eu, pour parler d'Arusha... Peut-être vous sautez plus proche, mais même en 61, en 62, des cas du genre ont eu lieu. C'est peut-être en 2000 avec Arusha où peut-être ce qui a été fait était sous l'égide des Nations Unies. On voit le président américain qui est là, le président sud-africain, plusieurs délégations qui sont là. C'était une décision qui était vraiment, je dirais, encadrée par les pays du monde. Mais n'oubliez pas non plus que tout ce qui s'est fait dans les premières années de l'indépendance dont il a parlé, la présence des Nations Unies était là, on l'appelait encore peut-être Société des Nations. Donc ils étaient là. Ce n'est pas à dire que toutes les décisions étaient seulement prises par les Burundais. Mais la question est, est-ce qu'on a pris le temps de voir ce que la première équipe qui y a réfléchi a donné comme orientation pour que l'équipe qui suit tiennent compte de cela pour qu'il y ait continuité de ce que l'on appelle la continuité de l'État. C'est la grande question que l'on peut se poser. La deuxième question, il en a aussi parlé, c'est ces changements perpétuels. Vous êtes au gouvernement, je n'ai pas encore eu le privilège d'en faire partie, mais je me dis que chaque nouveau ministre devrait prendre un certain temps de faire connaissance des dossiers, d'abord, ensuite, d'avoir une certaine orientation de comment les dossiers se traitent par rapport aux autres ministères, par rapport à la dimension nationale. Mais si justement un ministre vient après 8 mois, il est remplacé, peut-être au moment où il commence à voir clair ce qu'il faut faire, il est remplacé, viendra un autre qui devra prendre le temps de prendre cela. Et il est nouveau. Bien sûr. Et cette instabilité aussi fait ce que ça fait. Le fait qu'il y a des changements continuels. Troisièmement, c'est ce fait même que Faustin l'a si bien dit, mais quelque part je m'interroge. Lorsqu'on quitte la monarchie vers la monarchie constitutionnelle et que l'on quitte la monarchie constitutionnelle vers la République et puis la République monopartiste pour, vers multipartisme, si l'on se posait justement la question de savoir est-ce qu'il y a eu des changements, n'est-ce pas seulement des noms qui ont changé, ce que les autres appellent changement de... On change de personne sans toutefois changer le système. Parce qu'il y a lieu de nous poser la question, est-ce que ce que l'on vit aujourd'hui diffère de ce que l'on vivait dans cette période où on était sous l'uprenant seulement? En fait, les questions, c'est celles-là. Est-ce que on a connu un multipartisme de fait au Burundi. Est-ce que selon vous, c'est différent ou c'est la même situation? Là, c'est justement ce qu'il faut voir. Comment les dirigeants de l'IPRONA à cette période se comportaient? L'IPRONA a été un parti unique à un certain moment. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, et comment le multipartisme? C'est toi qui le dis, et c'est la Constitution qui le dit, mais la pratique maintenant. Parce que le multipartisme, c'est quoi? C'est-à-dire reconnaître l'autre, non seulement par son existence, mais aussi sa contribution, mais aussi son point de vue, qui souvent est différent du vôtre, parce que justement, s'il n'était pas différent, vous seriez dans le même parti. Alors, le fait donc d'être... de quitter la monarchie pour être de la République sans changer l'intérieur, pour moi, c'est ça la grande question et le grand problème. Et le fait que ceux qui disent qu'ils changent la monarchie, mais qui continuent à vivre la monarchie dans leur méthode de diriger, là, vous comprenez qu'on est en train de faire le déni de la réalité et malheureusement, le problème, c'est là, c'est ce qui se transmet de génération en génération. Deuxième volet, c'est le fait que... Non, à ce niveau d'abord, c'est le fait que donc il y a cette immaturité qui est entretenue. Parce qu'à chaque fois, avant de se stabiliser, il y a un changement. Avant de se stabiliser, il y a un changement. Donc, il y a ce problème. Deuxièmement, c'est le fait de vouloir le lait et le beurre, comme on le dit. Nous voulons une situation démocratique lorsque le vécu n'est pas celui-là. Je vous fais un exemple pour ne pas y traîner. La situation burundaise veut que les opposants d'aujourd'hui soient les dirigeants d'hier. C'est-à-dire quoi ? Celui qui est au pouvoir aujourd'hui n'assainit pas la situation pour que celui qui vient demain se trouve dans de bonnes conditions afin que et le gérant actuel et le gérant d'hier se sentent à l'aise dans leur vie quotidienne. Ce qui fait que si vous n'êtes plus au pouvoir, vous vous retrouvez dans une situation qui ne vous convient plus parce que celui qui était au pouvoir ne l'avait fait que seulement pour lui. Et c'est ce qui fait que celui qui n'est plus au pouvoir ne sait pas vivre avec la loi qu'il a instaurée et se retrouve dans l'opposition. Vous semblez ne pas l'accepter, mais... Est-ce que vous pouvez expliciter un tout petit peu? Il fut un temps où j'étais dans une conférence internationale et on m'a fait constater un fait qui était réel, mais que je n'avais pas vraiment matérialisé, disons. Et vous l'avez constaté. Oui, oui. On m'a dit, est-ce que vous savez que chez vous, au Burundi, c'est le seul pays africain où on a 4 anciens présidents vivants et au pays? C'est la période où on avait Bagaza, Ntibantunganya, Buyoya et Domitien qui étaient tous au Sénat. Et j'étais à l'étranger, mais on m'a dit, vous êtes le seul pays en Afrique qui connaît 4 anciens présidents qui sont en vie et qui sont au pays. Donc à côté d'un cinquième au pouvoir. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous voulez dire. Exact. Alors, c'était une réalité parce que justement, on n'a pas peut-être le temps d'y réfléchir et ainsi de suite, de voir ce qui est positif parce qu'on est tellement habitué au négatif que même ce qui est positif, on n'en voit pas. Alors, j'étais surpris, agréablement bien sûr, mais voilà, nous avons 4 anciens présidents qui pouvaient en ce moment-là enrichir les décisions ou les discussions au niveau du Sénat. Alors, la question qui est là, c'est ce que je c'est par rapport à ce que vous disiez. Maintenant, allez voir où ils sont. Ces anciens présidents. Exact. Ils étaient exclus. C'est vous qui le dites. Maintenant, est-ce que la stabilité que l'on pouvait avoir au niveau du Sénat, c'est un exemple. C'est un seul organe. Vous pouvez aller même ailleurs. Cette stabilité, cette expérience que l'on avait à gagner de ces anciens dirigeants, qui de par leur expérience argumentent, orientent, critiquent d'une façon constructive ce qui se fait, est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on ne l'a plus? Alors, maintenant, si cela ne se fait pas, quelle est la situation du président actuel lorsqu'il pense de son après? Parce que justement, cette situation était là pour dire... Vous quittez là où vous êtes, vous avez de l'espace. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Est-ce que vous sentez que ça, c'est déjà un point de faiblesse de notre système qui fait qu'effectivement, la continuité ne soit pas ce qu'elle devrait être? Des ajouts, Jean Bosco Harelimana. Des ajouts ou des... Moi, je ferais plutôt... Est-ce que vous allez dire le contraire? Une approche plutôt pas au sommet de l'État, au sommet des institutions... Mais plutôt dans les choses les plus subtiles, d'accès aux services de base, de servir la population. C'est ce qui renforce la cohésion nationale. À telle enseigne que maintenant, on conçoit de plus en plus la cohésion nationale. La cohésion nationale suppose deux partis qui ne sont pas vraiment fixes, et qui se changent, qui s'interchangent, et... Ces deux partis sont les détenteurs de droits et les détenteurs de devoirs. Les détenteurs de droits, ce sont les citoyens qui ont besoin d'accéder aux services de santé, d'éducation, d'hygiène. Ou bien chaque groupe a des droits et des devoirs en même temps. Les citoyens, en premier lieu. Ce sont des détenteurs de droits. Ce sont des détenteurs de droits. Détenteurs de droits, parce qu'ils sont citoyens. La deuxième catégorie, ce sont les détenteurs de devoir, c'est-à-dire ces personnes, que ce soit au plus haut sommet de l'État, que ce soit dans la sphère privée, les fonctionnaires, partout où ils sont, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils sont là parce qu'ils ont des responsabilités, pour servir les citoyens, au public comme au privé. Ce sont en fait des serviteurs, vous dites. Oui, ce sont des serviteurs. Et tant qu'ils ne comprennent pas que là où ils sont là pour servir et traiter toutes les personnes, tous les citoyens qui vont vers eux pour des soins de santé, pour des besoins d'éducation, pour la recherche d'un document administratif, pour tout ce qui est service, pour ce qui est de leurs droits. Tant que cette compréhension n'est pas telle, il y aura toujours des grognes. Et quand cette grogne grandit, ça dégénère en malaise social généralisé. Et donc, et ça fait perdre la référence, ça fait perdre les valeurs qui font vivre, qui nourrissent la cohésion sociale. Nous avons des exemples, tout proche de chez nous, comme loin de chez nous. L'exemple le plus parlant, c'est le monarque du petit royaume de Bhoutan, qui est coincé entre l'Inde et la Chine. Il a compris que pour renforcer la cohésion sociale, qui était déjà forte, il ne fallait pas qu'il y ait une monarchie dans un pays. Et il disait, mais pourquoi est-ce que je deviens monarque? Parce que mon père était monarque. Et que par conséquent, mes enfants, mes arrière-enfants, vont devenir des monarques de facto. Ils n'ont pas été élus. Alors, il a abdiqué de son poste de monarque et a préféré se faire élire en toute liberté. Il a été élu. Et maintenant, voilà, les habitants, les citoyens du Bhoutan, ils voient leur président, pas leur monarque aujourd'hui, comme quelqu'un qui leur a permis d'exprimer leur choix de celui qui va les gouverner. Et donc, heureux sera celui qui naîtra dans la famille monarchique. Non, non, c'est ce qu'il a voulu casser. Là, j'insinue un autre aspect de cohésion nationale, c'est la participation, le sentiment de participation. Isanganiro. Souvent, on croit que la croissance économique à elle seule suffit pour renforcer la cohésion sociale. Non, la personne, dans sa nature, les citoyens ont besoin, oui, de l'épanouissement économique, mais aussi de l'épanouissement dans toutes ses dimensions. Participer dans la gestion des affaires de l'État, exprimer ce qui va et ce qui ne va pas, et donc avoir la parole comme citoyen. Et ici, justement, je clôture, je crois qu'au Burundi, nous avons un avantage considérable. Vous savez, au Burundi, il n'y a pas d'apatrides. Il y a des pays, proches comme loin de chez nous, qui ont des catégories de population qui ne sont pas acceptés comme des citoyens dans leurs États et qui n'ont pas accès, par exemple, aux documents de voyage, aux passeports. Je vais revenir vers vous, mais pour ceux qui nous auraient captés en cours de route, je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la cohésion nationale entre Burundais. État des lieux, défis et perspectives. Avec nous sur le plateau, trois invités, à savoir Faustin Ndikumana, directeur national de l'organisation Parsem, Rémi Hazarimana de l'organisation Maison Lueur d'Espoir, ainsi que Jean Bosco Harerimana, enseignant d'université et spécialiste en matière de justice transitionnelle. Et tant que vous avez la parole, Monsieur Jean Bosco Harerimana, quels seraient les impacts liés à ces défis? Les impacts sont énormes. Énormes dans le sens où, de façon générale, ça fait perdre la ferveur nationale, la ferveur d'un sentiment national, la ferveur de se réunir autour des symboles, des valeurs nationales. Et donc, l'identification des citoyens par rapport à leur nation. C'est-à-dire que les personnes vont perdre confiance dans les institutions qui les gèrent. Et donc, cette cassure va faire en sorte que les citoyens vont se considérer comme des personnes de seconde zone, ce que dans le temps on appelait les sujets, et qu'en face d'eux, ils ont des personnes qui devraient être les détenteurs de devoirs, mais qui se comportent comme de petits monarques, qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et ils savent que s'ils ne le font pas ici, ben, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. Heureusement, les lignes commencent à bouger. Maintenant, tout citoyen qui le veut Ah, au moins le numéro de contact des ministres. Et alors, ça c'est très important. Il y a des boîtes de suggestions qui vont directement à la présidence, au président de la République. Ce sont déjà des espaces qu'il faut utiliser à bon escient. Et cela garantit que, au moins, quand on aura épuisé tous les moyens de recours, eh bien, on peut toucher plus haut. Ça, c'est nouveau. Et je crois que c'est quelque chose de très important pour, au moins, donner un sentiment que les institutions nationales commencent à faire bouger les lignes. Bien sûr, c'est le début. C'est un début. Et il faut toujours réfléchir sur les moyens, les voies et moyens de renforcer l'espace d'expression pour les citoyens. Pas seulement les médias, mais aussi dans les communautés, dans les villages, dans les collines. Que fait un citoyen qui est assiégé par son Nyumbakumi, par son chef de colline, par son chef de zone, par son... Y a-t-il un moyen de faire valoir ses droits? Faire valoir ses droits, ça commence. Les institutions commencent à faire bouger les lignes, c'est ce que vous dites. Les lignes commencent à bouger. Les lignes commencent à bouger, monsieur Faustin. D'abord, revenons sur les conséquences, parce que vous parlez... Les conséquences, les impacts. Les impacts, bon, je ne sais pas si on va aller directement aux solutions ou bien... Les impacts, et vous y allez directement avec les solutions. Bon, les impacts d'abord. Au niveau des impacts, vous voyez le Burundi, jusqu'actuellement, c'est un pays qui continue à être classé parmi les plus pauvres du monde. La pauvreté, ce manque d'eau fait vert au niveau de développement économique, il y a eu l'impact, l'impact de ces crises répétitives à caractère répétitif. Et je donne par exemple, en 1972, par exemple, c'est qu'il y a une étude qui a été faite qui a fait que le PIB du Burundi a retiré entre 6 et 10%. Déjà, on recule au niveau de la production, sans parler des ressources humaines qu'on a perdues. En 1993, de 1993 à 2005, les 12 ans de traversée du désert, le PIB a reculé de 33%. 33%. Ça, c'est trop. C'est trop, ouais. 12 ans sans production, il y a les réfugiés déplacés ici. Donc, c'est gravissime au niveau de l'impact. Même maintenant, la croissance n'a pas été celle qu'on voulait. Parce que depuis 2005, on disait, depuis 2005, avec le recouvrement de la paix, l'organisation des élections, il fallait par exemple qu'on ait un taux de croissance à deux chiffres. Mais on n'en est pas arrivé à. Parce qu'il y avait aussi des travers qui gênaient donc, la gestion saine des affaires publiques. Donc, au niveau des conséquences, vraiment, la situation, vraiment, elle est là, on est parmi les pays les plus pauvres. Et au niveau des potentialités, je ne crois pas qu'on a pas de potentialités qui pourraient nous faire, au moins, arriver à une vie décente de chaque citoyen. C'est pour cela que je dis qu'il faut vraiment, tout à l'heure, quand M. Bosco parlait, il parle justement de la cohésion nationale, mais je sens qu'on soit au deuxième niveau. Normalement, la cohésion nationale, on peut parler comme une maison qu'on construit. C'est une maison, la cohésion, un pays, une maison. Et une maison a une fondation. Il faut l'entretenir aussi. Quand c'est une maison, par exemple, en étage, il faut lui donner une fondation forte. Et oui. Et il y a les murs. Il y a les murs pour une maison aussi. Et il y a une bonne toiture pour embellir et surtout. Et protéger contre les intempéries, les pluies. Oui, il faut aussi des entretiens. Voyez, oui. Donc, même la cohésion, telle que je l'ai vu dans l'expérience d'autres pays, ça se construit à trois niveaux. Donc il y a la fondation, il y a les piliers, les murs, et il y a la toiture. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Au niveau de la fondation, vous cherchez les acquis, les éléments fondamentaux sur lesquels votre nation, en tant que nation, peuvent se construire. Donc, qui vous unissent, quelle que soit votre ethnie, quel que soit votre parti politique, vous vous dites sur ce principe quand même, le fondement de la nation est accepté. C'est ça ce qui constitue la fondation. Pour moi alors, j'imagine ce que j'ai relevé comme élément qui peut constituer cette fondation de notre nation et la solidifier. Il y a d'abord S'imaginer que nous avons une nation multiséculaire d'existence. Là, alors, vous parlez de perspectives, de voies de solutions. Oui. Le Burundi, à l'avantage, ce n'est pas un pays qui a été fabriqué artificiellement au lendemain de l'indépendance. Comme d'autres pays, on prend, on ramasse des tribus, on regroupe, on dit Burkina Faso, Togo. Non, c'est un pays d'existence multiséculaire, le Burundi. Ce n'est pas l'émanation, la création de la Belgique ou de l'Allemagne. Ça, c'est un élément. Deux, nous avons une même langue et une même culture. C'est un atout. C'est un atout, une même langue. Kirtini, au Burundi, qui peut se faire prévaloir d'avoir introduit le Kirundi au Burundi. Nous ne trouvons même nulle part des vestiges d'une ancienne civilisation propre à une ethnie. Est-ce que je mens? Nous avons la culture burundaise, nous avons une même langue. Trois, on a signé dans notre histoire, quel que soit, on a signé deux accords de cohabitation quand même. On a signé une charte de l'unité en 1991. On a signé un accord d'Arusha en 2000 de réconciliation. Ça, c'est l'élément de la fondation. Quel que soit, nous nous disons, comme nous avons eu des problèmes, en tout cas, les Burundais vont saisir un jour la charte de l'unité. Si on a vu qu'il y avait des imperfections, on est allé jusqu'à l'accord d'Arusha. Quatre, c'est les deux zéro nations. Le prince Louis Rwagasore et Melchior Ndadaye, le président Melchior Ndadaye. Ils doivent servir d'exemple. On les a sur les billets, on a accepté qu'ils sont nos zéros, pour l'indépendance du leadership de la démocratie. Il ne faut pas nous contenter de déposer les jambes de frères, de quoi. Mais il faut que ces discours, ces principes-là, dont nos zéros partagent, il faut que ça soit véhiculé dans nos jeunesses, créer même un centre de culture, culturelle, de formation, leadership, Rwagasore, Ndadaye, qui est en démocratie. Et il y a aussi le concept Ubushingana de nos valeurs. C'est-à-dire que les Burundais ont senti que la société faisait par les valeurs Ubushingana. C'est notre valeur culturelle Ubushingana dans le passé. Nous voyons que les Burundais, dans l'histoire, savaient que pour qu'une société soit sauvegardée, les valeurs ont une pertinence. Donc le Burundi, les Burundais ont des atouts, il faut profiter. Donc ça, c'est la fondation. Je continue. Un tout petit peu, attendez. Résumez, essayez de vous résumer. Avec la fondation, sur ce qu'on appelle les piliers. Les piliers sont lesquels il faut construire une bonne gouvernance électorale, de bonnes élections, qui nous fait aboutir aux institutions crédibles. Est-ce qu'il n'y en a pas? Je dis qu'il faut construire une bonne gouvernance électorale. Et ces contestations, dissiper les contestations éventuelles. La transparence électorale. Deux, c'est une administration professionnelle. Comme l'administration professionnelle. Ou qui garantit l'égalité des chances, qui garantit les droits des citoyens, qui sert les citoyens, comme il a dit. Et donc, toutes ces histoires de séparation des postes politiques, des postes techniques, il faut les garder des chances au niveau de tous les services publics. Quand l'administration travaille dans la transparence, c'est le deuxième pilier qu'il faut. Je vais passer la parole à Rémi. Troisième pilier, c'est la justice transitionnelle pour vider le passé et la justice comme arbitre dans les affaires quotidiennes qui garantissent, qui peut réparer. Et quatrième pilier, c'est l'action civile. L'action citoyenne dynamique. Une société civile dynamique, dont les citoyens connaissent leurs droits, ils peuvent réclamer, ils exigent la redevabilité ici et là. Parce que même une population ignorante. C'est comme ça, en train de le faire, monsieur Fortin. Une population ignorante ne peut pas exercer ses droits. Et enfin, la toiture, c'est la vision du développement économique. Pour alors avoir. Il faut une vision, les potentiels dont nous disposons, il reste de mobilisation des fonds, l'investissement. En aboutissant à l'amélioration du bien-être, alors la cohésion se ferme et est bâtie sur une fondation que je viens d'écrire et les piliers. Merci Fortin. C'est Rémi Abdalimana, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces... cohésion bien bâtie. À ces propositions de solutions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, monsieur Rémi? Je crois que il a touché à tout, mais permet... Fondation, pilier, toiture. C'est la manière qu'il propose. Et je crois que, comme je l'avais dit, des problèmes du passé, c'est pour moi, entre autres, le fait qu'on a beaucoup plus privilégié des solutions politiques en oubliant le volet économique de la crise, les différentes crises que nous avons dû traverser, parce que tout ce que l'on fait, les Français le disent si bien que le ventre affamé n'a point d'oreille, il est difficile de convaincre la population de rester calme lorsqu'ils n'ont pas pu manger ou lorsque la planification au niveau de ce qui doit être au niveau de la maison, être en mesure d'envoyer leurs enfants à l'école, être en mesure de soigner la famille, ainsi de suite. Alors, tenir compte justement de ce volet, parce que nous l'avions dit, chaque fois qu'il y a crise, les tentatives de solution, c'est des décideurs qui se mettent ensemble. Et une fois qu'ils se partagent les pouvoirs, les postes, on a tendance à ce que les solutions soient là. Mais malheureusement, en fait, la solution, elle est au sommet, mais la base reste ce qu'elle est. Et malheureusement, il y a cette continuité d'une crise qui, à un certain moment, se calme parce que ceux qui sont capables de parler, de s'exprimer, sont satisfaits. Mais en réalité, la solution n'est pas pour autant trouvée. Mmh. Alors ça, c'est pour moi un élément important. Le fait est que les solutions envisagées devraient aussi tenir compte de ce volet économique de la crise. Alors, cette fois-ci, c'est au niveau de la stabilité morale. Plusieurs études ont montré que les Burundais qui ont traversé les 60 ans dont il a parlé dans des crises répétitives, ils ne s'en sont pas sortis sans blessure. Il est clair donc que nous avons des blessures non soignées. Nous trimballons avec des douleurs qui ne se manifestent que à partir de nos expressions. Au lieu de communiquer d'une façon amicale, souvent c'est des injures, consolances. Une personne qui ne parle pas mais qui s'exprime par des gestes un peu maladroits. Donc, la population est traumatisée par les différentes douleurs qu'elle a dû traverser. Et apparemment, je ne crois pas qu'il y ait vraiment une politique volontariste qui va dans le sens de faire en sorte que les personnes qui se sentent malades se soignent de cette façon-là. Deuxièmement, il y en a qui ne savent pas qu'ils sont malades. Et ça, c'est très malheureux. Plusieurs traversent... Et quand ils le sauront ? Ils ne le sauront que lorsqu'on expliquera. Par exemple, que si vous passez 2-3 nuits ne dormant pas, que c'est signe d'un malaise mental. Là, je ne vais pas en détail, mais c'est ce qui se fait. Et on se rend compte que nous avons traversé, nous avons vu des choses vraiment indescriptibles et qui sont restées ancrées dans notre intérieur. On n'en a pas eu les opportunités de nous exprimer. Plusieurs ont perdu les leurs. Ils n'ont pas connu de deuil, ils n'ont pas su s'ils sont morts ou encore en vie, ils ne sont pas s'ils sont morts, s'ils ont été enterrés. Donc tout ça, c'est des histoires qui sont dans ces personnes burundaises qui vivent et qui discutent des élections et autres sans nécessairement parler de la vie mentale. Et là, c'est un manquement grave qui peut avoir des conséquences assez néfastes. Et des solutions, alors ? Les solutions, c'est justement ce fait que, nous l'avons dit, chaque fois qu'il y a eu crise, il y a eu tentative que les gens s'asseyent ensemble. Mais en s'asseyant ensemble, il y a, curieusement, comme Faustin l'a si bien dit, après une certaine période, vient un autre dossier nouveau qui fait que les bonnes décisions ne soient pas clôturées pour qu'il y ait mise en œuvre des recommandations. Ils ne se disent finalement pas la vérité. Si, si. Peut-être pas jusqu'à à fond. Parce que bien comme chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité. Ils se disent la vérité des fois. Ils se mentent aussi. Mais même ces vérités partielles, si l'on parvient à émettre des recommandations, on n'en donne pas le temps de l'implémentation, de mettre en œuvre ce qui a été décidé. Vous avez dit Arusha. Oui, Arusha. Mais vous savez que plusieurs mésententes après Arusha, justement, résident sur les uns disant c'est les accords qui sont enterrés. Et les autres disent nous ne faisons que mettre en œuvre les accords d'Arusha. Vous comprenez que même si on a des accords, des fois, même ces accords ne sont pas compris de la même manière. Donc, pour moi, c'est ce fait que les réflexions qui sont faites, soit ne sont pas très bien terminées, si elles sont terminées, les conclusions sont conservées avant la mise en œuvre. Jean Bosco, Harelimana, je ne sais pas si vous avez un mot à placer par rapport à ces propositions, à ces solutions, des voies de solutions pour aboutir à une cohésion nationale effective entre Burundais. Je vais être très bref. Merci. Deux points. Mm-hmm. Le premier, il faut vider le contentieux historique. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a divisé le Burundi? Ça, il faut creuser en profondeur. Arusha a fait une fondation en déclarant que le problème burundais est de nature politique avec une dimension ethnique prononcée. Alors, il faut dire aux Burundais, surtout la jeunesse, que le problème ethnique est une imposition. Imposition. La loi est là, qui a institué les ethnies au Burundi. Une loi est là. Une loi est là. Et je crois qu'un groupe d'experts l'a bien étudié, en lui en large, a fait une présentation au Sénat et les choses sont là. Qu'on leur donne du temps, de l'espace pour parler des résultats. L'ethnisme n'est pas un problème au Burundi. C'est quelque chose d'imposé. Est-ce que les Burundais peuvent un jour dire adieu à l'ethnisme? Oui, si on en parle. Vous savez, quand on parle d'ethnisme au Burundi, on parle de trois catégories que j'utilise pour des fins de communication. On parlait de Hutu, de Tutsi, de Twa. Mais où sont les princes? Où sont les Wagina? Où sont les Arabes qui vivent ici? Il y a des Arabes burundais nés ici qui sont à la quatrième génération, ou même plus. Qui sont-ils? Voilà, donc il faut vider. Il faut vraiment arriver... Vider, parler de cohésion, solution. Vider son contentieux historique, surtout sur le point de fracture. J'ai insisté sur la fracture ethnique, identitaire, mais aussi à d'autres fractures. Voilà. Deuxième point, s'attaquer aux défis majeurs actuels. Je crois, nous venons d'avoir un forum de développement qui s'est tenu à Kigobe. On a parlé de beaucoup de choses. Qu'on s'attaque aux défis majeurs actuels et qu'on le communique. Comme ça, on mobilise les citoyens sur les voies et moyens d'affronter les défis majeurs, défis non humains, défis liés aux survies même du pays, de la nation, de l'État-nation, problèmes économiques. Et il est possible d'aboutir à cette cohésion nationale effective. Oui, effective. Donc, c'est deux points. Vider le contentieux historique, s'attaquer effectivement aux défis majeurs actuels. Merci Jean Bosco Harelimana. Je rappelle que vous êtes un enseignant d'université et expert en matière de justice transitionnelle. Merci d'avoir été des nôtres à travers cette émission. Merci de votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Faustin Ndikumana, directeur national de l'organisation PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Je vous remercie, moi aussi. Merci à vous, Rémi Habzalimana, de l'organisation Maison Lueur d'Espoir. Merci aussi d'avoir été des nôtres et de votre contribution à cette émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur la cohésion nationale entre Burundais. Merci à tous et tous de nous avoir suivis. Nous disons également merci à Léonidas Kirombo pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitalio. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.